jardin. Mama Sita, Sita Diara, Mama Sita, Sita Diara, je suis perdu, Sita Diara, je suis perdu, Sita Diara. Balobana Mokiri, l'amour n'a pas de frontière. Balobana Mokiri, Pesanga motema o, gana leli e, gana leli ema, gana leli o. Pesanga motema o, gana leli e, Pesanga motema o, gana leli. Na koka te na sika yo e, Konda nanga, na koka te na sika yo e, Mwasi nanga a. Sitanyara e, toi mon amour e o, Sitanyara e, Sitanyara e, madame nanga, na koka te na sika yo e, Sitananga, na koka te na sika yo e, Tombo nanga a, gana leli e ma, gana leli e. Ma bien là, Nakatia Gré, Napoléon, Saumon, Yélé, Maman Estelle, oh, et Samongo, oh, Maman Estelle, oh, et Samongo, oh, la Pocaté, la Ticaye, oh, Yadidoé, la Pocaté, la Ticaye. Na kokate na tikaye o.